Marco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 8 juillet 2022. Voici les quelques titres de cette édition. Les préparatifs à l'examen d'État pour les finalistes des écoles secondaires générales, les techniques se déroulent bien. L'épreuve donnant accès à l'enseignement supérieur débute mardi et prochain. Et les joueuses burundaises de football évoluant au sein de l'équipe nationale, Inamba manque d'expérience, raison pour laquelle elles n'ont pas eu de points à la phase de poule de lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Et dans la chronique environnement, un expert nous dira où planter l'eucalyptus. Rebonjour. Le journaliste et correspondant de la radio-télévision Isanganiro en Provence Carroussi a comparu pour une deuxième fois devant le procureur de la République dans cette province. Le commissaire provincial, le chef de cabinet du gouverneur ainsi que le directeur du bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement, Séverin Sinzobatohana, qui a porté plainte. Blaise Pascal Kararoumié, accusé de ternir l'image de la province et de rapporter, selon ses autorités, de fausses informations. Il a été sommé de chaque fois montrer à l'autorité provinciale concernée les informations qu'il aura produites. Il a d'abord comparu jeudi de 15h à 19h. Et pour rappel, il a été interrogé sur une information diffusée le 29 juin dernier sur nos ondes relative à l'abattage de 4 vaches qui étaient malades, parmi celles provenant de l'Ouganda et qui étaient destinées à la province de Bujumbura. Une information produite suite aux inquiétudes de certains habitants du chef-lieu de la province Karoussi quant à la vente de la viande de vache abattue alors que l'abattage a été interdit dès l'apparition de la fièvre du Rift Valley. Et le tribunal de résidence de Rumonge, un nouveau président, Emmanuel Ndayizigi, a été nommé à la tête de ce tribunal par ordonnance ministérielle du 29 juin 2022. Il remplace Deo Niyongabo, accusé publiquement depuis plusieurs mois d'être corrompu après le ministre de la Justice. L'ex-président de ce tribunal avait été accusé publiquement devant le président de la République du Burundi lors de sa descente à Rumonge. C'était le 24 juin 2022. Je venais de vous le dire, le manque d'expérience dans des compétitions internationales, c'est la principale raison qui explique pourquoi l'équipe nationale féminine ne gagne pas la phase finale de la Coupe africaine des Nations qui se déroule au Maroc depuis le 2 juillet. C'est l'analyse d'un journaliste sportif qui suit de près cet événement. Patrick Karakandi fait savoir que le Burundi n'a pas de chance de continuer cette compétition du fait qu'il est le seul pays qui n'a aucun point dans le pool C. Suivez-le. Les raisons de des défaites, premièrement, il y a le manque de compétition. Vous savez que l'équipe nationale, même les joueurs qui sont dans des clubs, ils ont joué une seule phase, phase aller tout simplement, parce qu'il y avait un léger retard pour débuter le championnat. Alors que la CAF demandait toujours une équipe qui va jouer la Ligue des Champions africaine. Autre chose qui a poussé, je peux dire aussi, il y avait de la peur, donc le panique. Et parce que nous n'avons pas de joueuses internationales, à part que 4 joueuses. Les 4 joueuses là, mais qui n'ont pas été aussi habituées à des grandes compétitions. Donc c'est l'inexpérience tout court. Qu'est-ce qui peut permettre à la sélection burundaise Inamba Mugamba de continuer ce genre de compétition? Pour la qualification, je ne vois pas, parce que nous avons déjà perdu 2 matchs. Alors que dans d'autres groupes, il y a des équipes quand même qui ont eu la chance d'avoir un point. Vous savez qu'on va prendre 2 équipes à chaque poule, 2 équipes à chaque poule. Alors, dans d'autres poules, là, il y a des pays quand même qui ont eu la chance d'avoir un point. Donc, le Burundi, je ne vois pas. Parce que nous restons avec l'équipe nigériane. L'équipe nigériane qui a gagné contre Botswana, ils auront besoin de gagner contre le Burundi. Ils ont cherché tous les moyens pour gagner contre le Burundi. C'est la seule équipe la plus faible. Ils vont voir si c'est possible, il faut avoir beaucoup de billes. Vous savez que déjà, nous encaissons 4 billes. Alors que dans d'autres poules, il n'y a pas des équipes qui ont déjà encaissé les 4 billes. C'est tellement difficile d'accepter ou d'exprimer que l'équipe burundaise va continuer les quarts de finale. Les joueuses jouent avec les maillots qui n'ont pas les signes de l'équipe nationale. Quel serait votre commentaire à cela? La question concernant les emblèmes du pays, bien les signes du pays, il y a un problème parce que même si c'est l'Umbro qui ont gagné le marché pour habiller l'équipe nationale, c'est l'équipementier qui a gagné, ils n'ont pas conclu sur le contrat, comment ils vont procéder pour les payer, comment ils vont procéder donc pour aussi donner ses équipements. Donc, il n'y a pas un contrat qui est déjà signé. La suite de ce journal, 10 jours après la révision à la baisse du prix du test Covid-19 à la frontière d'Ougatumba, la migration congolaise annonce un accroissement du flux migratoire entre 700 et 1000 personnes qui traversent par jour. Une information confirmée par le responsable du service des migrations congolaises à Kavimvira. Les agents de l'hygiène aux frontières congolaises regrettent néanmoins que le test Covid-19 effectué par leur service n'est pas encore accepté par leurs voisins burundais. Correspondance de Jérémy Kouima. Monsieur Calvin Kabati fait savoir qu'avant la révision à la baisse du prix pour les tests Covid, il y avait entre 600 et 700 personnes qui traversaient par jour. Mais depuis que le prix est allé de 15 à 5 dollars par personne et par jour, il y a 1000 personnes qui traversent au Burundi chaque jour. Ce chiffre n'est pas encore suffisant comparativement à ce qui était enregistré auparavant avant la résurgence du coronavirus. Notre interlocuteur termine en rappelant que jusqu'à présent, la partie burundaise ne reconnaît pas encore les tests Covid opérés par leurs voisins congolais, ce qui fait payer doublement chaque voyageur qui doit payer en RDC et au Burundi pour une seule traversée. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Et le gouvernement de la province de Cibitoke, accompagné par les administrateurs des communes Rugombo, Mugina, Mabayi et Murgui, avec la police, ont fait une descente le matin de ce vendredi dans un endroit où se sont rassemblés les croyants qui se sont désolidarisés de l'église adventiste du 7e jour. Ils avaient choisi d'aller faire une prière sur une haute montagne, expliquant qu'ils attendent l'arrivée de Jésus-Christ. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karem Wizoza, précise qu'ils ont choisi de les chasser de cet endroit pour qu'ils retournent dans leur lieu d'origine. Il leur a demandé de respecter la loi et ce que dit la parole de Dieu. Ces personnes désolidarisées de cette église disent qu'ils ont une mission du travail devant Dieu. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les agriculteurs des communes Bururi et Songa, anciens usagers du marais de Djidji, réclament l'aménagement hydro-agricole de ce marais qui n'est plus exploité suite à l'inondation permanente observée pendant la saison pluvieuse. Glorieuse Niyubahwe, directrice provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, fait savoir que ce cas est déjà connu au niveau du ministère de tutelle. Elle appelle la population à continuer le traçage des fossés anti-érosifs sur les bassins versants surplombant la rivière Gigi et des courbes de niveau dans leurs propriétés afin de maîtriser les eaux pluviales en attendant l'aménagement de ce marais. C'est une information de notre correspondant à Bururi, Zeno Nzambimana. Quelques nouvelles brèves en attendant l'actualité nationale. Apparemment, à la technique, on a des ennuis. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé ce vendredi 8 juillet après avoir été blessé par balle lors d'un discours politique en public dans la région de Nara, c'est dans l'ouest du pays. L'ancien chef de l'exécutif prononçait un discours de campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche 10 juillet lorsque des coups de feu ont été entendus, avait indiqué la chaîne nationale NHK et l'agence de presse Kyodo. Monsieur Abe, 67 ans, s'est effondré et saigné du cou, selon une source du parti libéral PLD au pouvoir à l'agence presse Gigi. Cela fait 15 mois, jour pour jour, qu'Olivier Dubois est en détention. Le journaliste français a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il était en reportage. Depuis, ce confrère, qui travaille notamment pour Libération, Jeune Afrique ou encore Le Point, est apparu dans deux vidéos dans lesquelles il confirme être l'otage du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Radio Isanganiro, chronique environnement. Faudrait bien nous excuser. Les préparatifs à l'examen d'État pour les finalistes des écoles secondaires et techniques leur donnant accès à l'enseignement supérieur vont bon train au lycée Skeppers de Niakabiga et au lycée Notre-Dame de Rohero. Indique les directeurs ainsi que leurs éduqués, les directeurs de ces écoles, ajoutent avoir achevé les programmes, d'où ils s'attendent à de bons résultats de leurs élèves à cet examen d'État qui débute mardi prochain. Eucalyptus consomme entre 30 et 90 litres d'eau par jour pour sa croissance. Précision de l'experte en environnement et professeur à l'Université du Burundi, selon Bernadette Abonimana, la densité du peuplement est l'un des facteurs expliquant cette consommation en eau. Et pour cela, cet arbre devrait être planté loin des sources d'eau. Voilà, c'était l'objet de la chronique environnement. Apparemment, à la technique, on me fait signe à la technique que cette chronique est prête et c'est Vestine Nebutoy qui la signe. Ici, on montrait que cet arbre consomme une grande quantité d'eau. Selon l'experte en environnement et professeur à l'Université du Burundi, sa consommation en eau par jour se situe entre 30 et 90 litres. La plupart des études estiment entre 30 et 90 litres par jour pour un arbre d'eucalyptus. Comprenez que 90 litres, c'est le maximum quand il y a vraiment une haute consommation. Bernadette Abonimana explique cette situation par la nature de l'eucalyptus ainsi que l'endroit dans lequel il est planté. En me basant sur ce qui a été fait ailleurs, c'est assez variable. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est la densité du peuplement. Quand les arbres sont plantés serrés, il y a une forte consommation parce que c'est proportionnel à la masse foliaire de l'arbre et donc à la transpiration, à la perte d'eau par les feuilles. Mais on peut aussi avoir des espèces qui peuvent consommer moins de 30 litres, 15 et même 10. Cela dépend des contextes, cela dépend de beaucoup de facteurs, de la température, de l'âge du peuplement. Par exemple, c'est dans le jeune âge que les arbres consomment beaucoup. Par exemple, l'eucalyptus grandit et va consommer moins en saison humide qu'en saison sèche. Elle ajoute que ses racines peuvent aller jusqu'à 15 mètres de profondeur pour chercher de l'eau. Alors, le fait que l'eucalyptus peut être préjudiciable à l'environnement, donc réduire considérablement les quantités d'eau, c'est aussi lié à sa nature, racine très profonde, parce que l'eucalyptus peut aller chercher l'eau jusqu'à plus de 15 mètres de profondeur suite à ses racines pivotantes. Cependant, l'eucalyptus entraîne la réduction des cours d'eau dans des régions à faible pluviométrie. Les réductions des cours d'eau, on en a remarqué dans certains pays et dans des contextes assez particuliers de déficit pluviométrique. Donc quand il n'y a pas assez d'eau, quand il n'y a pas assez de précipitations et qu'il y a des boisements d'eucalyptus qui, de surcroît, ne sont pas bien gérés, ne sont pas bien aménagés, cela peut conduire à une réduction des débits des cours d'eau. Du fait que les recherches sur l'eucalyptus ne sont pas encore faites au Burundi, l'experte environnementaliste et professeur à l'Université du Burundi conseille d'abord de faire la cartographie pour identifier les zones dans lesquelles on peut ou ne pas planter l'eucalyptus dans le but de minimiser ses effets environnementaux. Merci Vestine. On revient sur notre correspondant de Bururi qui nous rapporte que les agriculteurs des communes Bururi et Songa, qui sont anciens usagers du marais d'Ojiji, demandent l'aménagement hydro-agricole de ce marais qui n'est plus exploité suite à l'inondation permanente observée pendant la saison pluvieuse. Cette partie du marais non exploité est située dans la vallée de la rivière Jiji, entre la colline Musinda de la commune Songa et la colline Nyavyamo de la commune Bururi. Couvert de hautes herbes, c'est un marais apparemment fertile, d'une superficie de plus de 300 hectares non exploités, selon les données en provenance du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. Deux agriculteurs de la colline Musinda anciens usagers de son marais, nous ont fait savoir que toute cette superficie n'est plus exploitée depuis plus de 10 ans, car c'est un marais inondé de façon permanente par les eaux de la rivière Gigi. Ces agriculteurs regrettent qu'ils ont abandonné le marais de Gigi où ils cultivaient surtout le pomme de terre, le haricot et le maïs. Selon ces agriculteurs de la colline Moussinda, c'est une grande perte. Ils demandent l'aménagement hydro-agricole de son marais. Interrogé à ce propos, Glorieuse Niouaoué, directrice du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bourouli, a fait savoir que le rapport sur le cadre du marais de Gigi a été déjà transmis au niveau du ministère et espère que les travaux d'aménagement de son marais pourront se faire. En attendant ces travaux, qui nécessitent d'abord une étude technique de faisabilité, Glorieuse Niouaoué appelle la population à continuer le traçage des courbes de niveau dans leurs propriétés et des fossés anti-érosibles sur les bassins versants surplombant la rivière Gigi, car ce sont les eaux pluviales en provenance de ces bassins versants qui se déversent dans cette rivière, source de ces inondations. Entre-temps, cette autorité se dit très satisfaite du déroulement des travaux d'exploitation des autres marais de la province de Bourouli pendant cette saison culturelle C. Elle demande qu'aucune portion de terre ne reste sans être exploitée afin d'augmenter la production agricole. Depuis le marais de Gigi sur la colline Moutinda de la commune Songa, Zenon Zabimbara pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Et pour boucler ce journal, on revient sur les préparatifs à l'examen d'État pour les finalistes des écoles secondaires et techniques leur donnant accès à l'enseignement supérieur. Des préparatifs qui vont bon train au lycée Skeppers de Nyakabiga et au lycée Notre-Dame de Rohero. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyanga. La liste du secondaire se prépare en conséquence pour bien passer l'exéta qui commence mardi prochain. Donc on est en train de nous préparer bien, même la direction, notre direction a fixé l'horaire dont on doit utiliser. On se réfère sur les études matinales et même les après-midi. Donc comme notre lycée a une bonne réputation dans cette ville, on doit donc nous préparer bien. Même son de cloche avec ceux du lycée Notre-Dame de Rohero. Ils indiquent que même les enseignants viennent les assister pour mieux se préparer à cet examen leur donnant accès à l'enseignement supérieur. Moi et mes collègues, nous avons pu nous réunir pour venir étudier ensemble pour voir des questions qui peuvent nous sembler un peu difficiles pour qu'on les prépare ensemble. Même les enseignants nous aident en cela. Aujourd'hui, je suis là pour pouvoir corriger certaines épreuves qui sont un peu difficiles avec les professeurs. Le directeur du lycée Scapers, frère Filote Akizimana, a de l'espoir que ses élèves vont réussir, même si les défis ne manquent pas. C'est remarquable que le niveau des élèves dans ce cours de français a baissé, mais ça vient de parce que vous savez qu'on a beaucoup changé de programme dès l'école primaire, ce qui veut dire que les élèves actuels ne sont pas capables de s'exprimer convenablement comme ceux qui ont étudié avant s'exprimer. Mais aussi, les écoles diffèrent parce qu'à notre école, on remarque que ce sont des filles, mais quand même, ce n'est pas grave. Au lycée Notre-Dame de Rohero, le directeur de cet établissement, Eric Nyeshimana, garde confiance à ses lauréats comme à l'accoutumée. Les élèves du lycée Notre-Dame de Rohero réussissent normalement à l'examen d'État à un taux de réussite de 100%. Et pour cette année aussi, nous espérons avoir un taux de réussite de 100%. Le bureau des évaluations au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique fait savoir que 69 700 finalistes du secondaire et de l'enseignement technique sont attendus à cet examen d'État au niveau national. Évariste Nzikobanyanga, il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Nelly Kwihangana pour la mise en onde de micro. Jean Posco Ndouimana, passez un bon après-midi.